Comment concilier les religions ? Il y a plusieurs rapports entre la politique et la religion dans les sociétés démocratiques, et l'on sait que c'est dans ces sociétés que le problème se pose le plus profondément et le plus réellement. Et on doit comprendre d'ailleurs pourquoi. Mais la relation la plus difficile entre la politique et la religion est peut-être aussi la plus profonde et la plus intéressante. Il y a en effet une première relation entre politique et religion qui définit les sociétés démocratiques, et c'est un geste de séparation. C'est un geste de séparation du politique et du religieux qui ne doivent pas empiéter l'un sur l'autre, qui sont des sphères différentes, les sphères de la croyance privée et les sphères des relations publiques dont le mélange est toujours dangereux. Cette séparation, c'est aussi ce qu'on appelle la laïcité, qui est la condition, notamment en France, de la République. Il y a une distinction des ordres et c'est la condition de la paix civile. Cette séparation des ordres est donc une condition très importante, mais elle risque toujours de buter sur une difficulté qui mène à un rapport plus difficile et plus profond encore. C'est qu'il y a malgré tout des intersections entre la politique et la religion. On ne peut pas faire comme si la politique gérait seulement les affaires de la cité, les affaires économiques, sans empiéter sur les questions éthiques, sur les questions métaphysiques parfois, sur les questions dont parlent aussi les religions, dont chaque religion dit à celui qui y adhère ou qui y croit des principes fondamentaux de conduite, par exemple sur la vie et la mort, sur la naissance et le mariage, sur les grands actes de la vie humaine dans leur ensemble. Les religions sont ce que le philosophe de la politique, John Rawls, auteur de la théorie de la justice, appelle des doctrines compréhensives. Elles nous disent, chaque religion et même chaque mode de conduite privée, chaque éthique, nous dit ce qu'il faut dire ou faire sur la vie, la mort. Mais la politique empiète aussi sur ce domaine. Elle définit des règles de la procréation, des règles de la fin de vie, des règles même pour le mariage et pour la sexualité, pour tout ce qui touche à nos vies les plus profondes. Le défi d'une démocratie peut être plus difficile et plus fécond encore que la laïcité qui doit en rester la condition. Le défi pour une démocratie, c'est donc de concilier les religions différentes, des religions ou des éthiques, des doctrines compréhensives contradictoires chez les citoyens démocratiques, dans le pluralisme démocratique, dans certaines questions absolument vitales. Et la démocratie doit donc organiser non seulement la séparation, mais aussi la discussion entre les religions sur ce que John Rawls appelle les forums de la raison publique, pour arriver à ce qu'il appelle un consensus entre des doctrines raisonnables, appelons raisonnables les doctrines qui ne veulent pas imposer leur raison aux autres et qui donc se distingue du fanatisme. L'exemple de la bioéthique est le plus intéressant car il confronte toutes les religions, tous les dieux, pour éviter la guerre des dieux dont parlait le philosophe Alain, à une éthique première, l'éthique de la vie et de la mort, l'éthique médicale elle-même. Cette éthique doit être conciliée avec toutes les autres et finalement la démocratie consiste à concilier les éthiques sans en imposer aucune, à définir des lignes de crête, le respect de la liberté et de la volonté de chacun, autant que la protection de la vie humaine et des croyances de tous les citoyens dans leur vie privée, mais aussi dans le partage des questions fondamentales de la mort et de la vie.